Ici André Guy, maire de Dolbeau-Mistassini. Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour offrir à tous les citoyens des vœux de paix et de bonheur à l'occasion des fêtes. Que cette période propice aux retrouvailles vous permette de passer du bon temps avec ceux que vous aimez. Je vous invite également à faire preuve de générosité envers les personnes démunies pour qui cette période est plus difficile. Enfin, je vous encourage à faire vos achats localement pour contribuer à la vitalité économique de notre communauté. Joyeuses fêtes à tous! Laval et tout le personnel du restaurant Au Machinois du 1005 Boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivité. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Au Machinois, 1005 Boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 88-679-3339. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année! On sait que c'est le temps des fêtes, donc on fait des entrevues un peu partout. Il y a des grandes entrevues. Également, il y a les revues de l'année. Et cette année, ben, la nouveauté, c'est on fait des entrevues pour un peu de parler du livre. C'est suite au livre à Michel Simard, qui est disponible également à la librairie centrale du secteur de Dolbeau. Un très, très beau livre. Donc cette année, on fait des entrevues avec des joueurs qui ont marqué la Ligue junior régionale. Et plus particulièrement ceux de Dolbeau-Mistassini, parce que c'est ici qu'on est. Et on ne peut pas faire faire d'entrevue sans parler avec Paul Ménard des Castors de Dolbeau, qui est le président également des anciens Castors. Salut Paul! Oui, bonjour Danny, ça va bien? Ça va bien. Paul, évidemment, donc le livre, comment tu l'as trouvé? Moi, j'ai fini de le lire avant les fêtes, j'ai trouvé ça extrêmement bon. C'est un méchant beau cadeau que Michel Simard nous a fait. Oui, quand tu parles de cadeaux, c'est comme on dit. Moi, j'ai feuilleté le livre assez rapidement, mais je suis attardé à certaines, comme on dit, des choses qui sont passées dans le hockey junior. Puis je trouve ce livre-là, c'est presque une petite bible. Hein. C'est un livre qui va rester pour le futur, autant pour nos jeunes que pour ceux qui ont vécu cette situation-là. Oui, effectivement. Puis je pense qu'il y a juste la Beauce qui a un livre comparable. Et écoute, c'est là qu'on voit que le c'est une autre époque. Hein. Moi, ce que j'ai remarqué dans le livre, je le dis à plusieurs, j'ai lu ce livre. Moi, je suis pas né dans la bonne génération parce que, tu sais, dans le temps, il y avait des 1500 spectateurs, des 2000 personnes. Je faisais l'entrevue de Michel Tifaut, les matchs étaient à la radio. Il y avait une ambiance incroyable là, qu'on n'a plus aujourd'hui. Oui, puis. Comme on dit, là, c'est le temps, ça a changé. Ouais. Mais comme tu l'as dit, tu es arrivé un petit peu sur le tard, parce qu'en réalité, nous autres, on était vraiment dedans. Là, comme moi, je suis né en 52, donc quand tu arrives dans l'épopée des Castors, là, ça a commencé en 57 dans le junior. Puis j'étais chanceux, comme on dit, j'étais gardé des filets pour les Castors dans les années 70. Puis c'était différent. C'est que le monde était proche, il y avait peut-être moins de sport aussi, il n'y avait pas de motoneige. C'est les motoneiges qui commençaient. C'est ça. Puis Dolbeau, dans le temps, Dolbeau, la ville de Mistassini, avait axé beaucoup sur le sport. Ça veut dire que quand il y a un joueur qui partait de Mistassini pour venir jouer avec les Castors à Dolbeau, c'était un événement. Puis quand il arrivait des joueurs à l'extérieur, nous autres, on était des étranges, là, d'une certaine façon. Puis quand ils arrivaient des étrangers, ben, ils voulaient voir c'était qui, ces personnes-là. Donc, il y avait des points d'interrogation, puis après ça, le monde voulait voir jouer ces joueurs-là, puis après ça, puis Dolbeau a toujours travaillé fort pour avoir des bonnes équipes représentatives au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, en réalité, c'était un tout qui a fait que, puis même dans les premières années, il y a eu la Ligue JKLS, puis il y a beaucoup de ces joueurs-là qui venaient presque aux trois quarts de Shawinigan, comme Jean-Camille Lupien, Jack Belmar, tout ça. Ça, c'est à cause de l'usine, je pensais, c'est à cause de Beauwater, hein? Ben, pas Beauwater, résolu aujourd'hui, ouais. Hein, c'était Lake St. John Power, qui était, comment on dit, Ça date du début de Dolbeau, 1927. Mm-hmm. Puis après ça, eux autres, ils ont dit ben il faudrait rentrer dans la nouvelle ligue qui existe au Saguenay. Puis c'est là qu'ils ont fait une demande. Il y avait le député d'Alma qui le quitte parce que là, il allait jouer dans le territoire des aigles d'Alma dans le temps. Donc, ils ont eu l'autorisation, puis après, ils ont eu l'offre de la Ligue pour partir. Puis c'est ce monde-là qui ont resté chez nous, qui ont resté à Dolbeau. Puis que, si on dit, la ville de Dolbeau existe, oui, mais qui a fait avancer, mettons, la communauté, c'est des anciens joueurs qui sont venus de l'extérieur pour avoir un travail au moulin, parce que le moulin lui garantissait un job à l'année. Là, ou sinon, il y avait des joueurs que les autres préféraient, ils disaient, ben moi, je vais mieux retourner chez nous l'été. Ben là, il était rémunéré en conséquence. Il appelait ça une ligue d'usine dans le temps. OK. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est ce qui m'a frappé le plus, tu sais quoi? C'est qu'en 76, dans le livre, on raconte, puis t'étais peut-être là, que les Castors voulaient jouer à Mistassini. Et il y avait une nouvelle aréna à Mistassini dans le temps. Puis le maire de Dolbeau, Mistassini, à l'époque, a dit « Si vous allez jouer à Mistassini, c'est terminé l'aide qu'on donne aux Castors. » Pourtant, aujourd'hui, c'est la même ville. Je me dis, c'est carrément une autre époque. Tu comprends? Tu m'embarques peut-être d'un sujet là, qui ouais. Est, mettons, on va dire, pas vraiment délicat, mais c'est dans, moi, à mon avis, je ne sais pas si ça a été demandé. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en 1975, Bertrand Voisin, du anciennement au prix du Gros à Dolbeau, était le président de Star. Puis là, il fallait qu'il y ait une réparation de l'aréna, la toiture, tout ça. Puis ils ont demandé l'autorisation, Bertrand Voisin avait demandé l'autorisation à la Ligue d'oublier une année. L'année suivante, les Castors ne pouvaient pas jouer à Dolbeau. Okay. Donc, en été, là, je pense qu'il y a peut-être un certain mélange. Parce que moi, quand on a déjà eu une équipe juvénile à Mississini pendant 2 ans de temps, avec Guy Baudette, puis on allait jouer justement contre, dans le temps, au tout début, c'était les Wallonifs de Robertval qui venaient de rentrer dans le junior, qui sont appelés les Sabres après ça. Mais on est allé jouer un match au concours. Il y avait des Danny Walden, il y avait des Saint-Gelais, il y avait plusieurs joueurs de Mississini. Puis on avait une vraiment bonne équipe, dont Rémi Lamotte, puis le policier qui est maintenant rendu à la retraite. On avait une super équipe, puis quand on est allé jouer le match au concours à Robertval, je peux te dire qu'on les avait battus. Donc, en réalité, le juvénile, c'était des joueurs de 2 ans plus jeunes que le junior. Okay. Pour ça qu'en réalité, peut-être que le monde confond un petit peu, là, parce que c'est dans ces années-là, c'est dans les années 76, dans ce coin-là, mais officiellement, les Castors n'étaient plus là. Ils sont venus en 81-82 après ça, là, okay. Les Castors. Dis-moi, pourquoi il n'y a pas eu des années qu'il n'y a pas eu d'équipe? Dans les années 80, on parle qu'il n'y a pas eu d'équipe. Un bon bout, entre 75 et 80, il y a comme eu un trou. Pourquoi? Oui. Alors, je pense que peut-être qu'il y avait un épuisement. Okay. Parce que là, les joueurs allaient au cégep. Il y avait des joueurs, dont mon beau-frère, allaient au cégep à Jonquière. Puis il est arrivé plusieurs choses. Puis il y avait cette histoire de construction-là, justement. Puis ça a été plus long que prévu. Okay. Puis au niveau financier, les Castors, les dernières années, nous autres, on a vécu les années, mettons, où on va dire qu'il y avait des assistants de 1800 personnes, ça c'était dans les années 72 dans ce coin-là. Après ça, ça a comme baissé. Il y a eu vraiment une baisse radicale. Puis en dernier, il y avait 300 personnes dans les matchs. Là. Donc, l'équipe avait de la misère à se financer. Puis quand il manquait d'argent, ben c'est sûr que là, c'était les commanditaires. Puis quand c'était pas commanditaire, c'était la municipalité qu'il fallait qu'ils donnent des sous là, pour compenser, pour ne pas faire de déficit. Puis j'ai l'impression que l'année 74-75, justement, pour les réparations de l'aréna, ça a comme fait l'affaire de tout le monde, d'une certaine façon. Mais après ça, en 81-82, c'est là que M. Gaston Morin, avec un groupe d'hommes d'affaires du secteur, ils ont dit ben il faudrait faire revenir les Castors. Ben, au début, c'était pas les Castors, ils s'appelaient le Festival à la première année. La Festival du Nord, qu'on appelle. Le Festival du Nord. Oui, le Festival du Nord, c'est ça. Ouais. C'était une fusion de toutes les festivals qu'il y avait. Le Festival du Bûcheron, puis le Festival de la Gourgane, tout ça. Puis avec Gaston Morin, qui était le meneur à ce niveau-là, on partit l'équipe pour une année avec René Boudreau puis un monsieur Fleurin qui est instructeur. Puis l'équipe a bien figuré, même si on terminait en dernière position. Mais c'est sûr, il y avait deux équipes dans deux endroits. Il y avait Robertval qui avait pris la place, on va dire, d'une certaine façon. La Ligue voulait avoir deux équipes dans le coin. Mais ça l'a brisé les deux équipes. d'une certaine façon. C'est, quand l'extérieur venait jouer, on va dire Chicoutimi, Alma ou peu importe, ben les matchs se terminaient, quand ça se finit, les matchs se terminaient, c'était 8 à 1, puis 10 à 2, puis c'était toujours contre les Castors ou contre l'équipe de Robert Lal. Je crois qu'en scénant le comté et le secteur, ça le nuit. Là, OK, les autres disaient que c'était bon pour eux autres, mais pour nous autres, le haut du lac, ça n'a pas été une réussite totale. OK. Si on parlait maintenant de on t'a parlé de René-Yves Boudreau, puis t'as parlé de... Dans ces années-là, écoute, au début des années 50, au tout début, il y avait des joueurs forts à Delbeau. Là. Tu parles de Rosa Leclerc. Il y a eu longtemps le titre de meilleur marqueur de la Ligue, là. Oui. Rosaire, Boudreau, c'était fort aussi dans ce temps-là aussi, là. Oui, puis il avait même été joué dans la Ligue provinciale. Ouais. Je pense que c'était les Vics de Granby, une année. Il y avait beaucoup de potentiel. Ben, Alain Caron, tout le monde connaît Alain Caron, qui lui, après ça, est allé jouer professionnel pendant l'équivalent de 19 ans, si je me souviens par cœur. Donc, il y avait... J'en garde Yvon Junot est allé dans le temps, c'était le junior majeur du Québec, mais ben, il appelait ça le junior A, puis il avait été joué pour les Citadelles de Québec, dont, si on veut faire un rapprochement, Jean Béliveau avait joué avec les As dans le temps. Donc, en réalité, c'est tout ce... Oui, on avait des bons joueurs, mais c'était moins connu que maintenant. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est pas long, quelqu'un part pour une semaine, puis tu le sais, là. Le hockey a développé beaucoup de joueurs de secteur, puis autant au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comment dire, justement le prochain livre de Michel Simard va être la suite. Ben, il y a eu plusieurs, Alain Boum Boum Caron qui a joué avec les Castors, il y a Gracien Gay qui aurait pu, toi, après ça, il y a un Junot dont le nom m'échappe, là. Yvon, je pense, c'est ça? Yvon. Monsieur Leclerc a pu aller loin aussi. Donc, Oui, puis des fois, il y avait des choix. Hein, les parents disaient, regarde, tu peux peut-être aller t'essayer dans le junior majeur. Dans le temps, il appelait, c'est au niveau junior, mais tu as peut-être la possibilité d'avoir un emploi. J'en regarde comme Rosaire. Rosaire, lui, il est allé chez la compagnie Coca-Cola. Puis, il a fait sa carrière là. Au niveau de. Puis après, c'est dans la collectivité. Puis tout ça, quand il était, il y avait des choix à prendre. Il y a eu des joueurs comme les Sarsville, Carole, puis. Moi, j'ai gardé les buts avec Laval, mais après. Tout ça, quand il était, c'est des gars qui avaient beaucoup de talent, mais il y avait des choix à prendre. Puis souvent, les parents disaient, ben, va-t'en au niveau scolaire, t'as peut-être un meilleur avenir. Puis là, il y avait des choix à prendre. Dis-moi, je regardais, il y a des années, là, qu'il y avait des 50, des 55, 60 000 personnes qui assistaient au match de l'équipe. Les joueurs étaient-ils payés? Tu veux parler de junior? Oui, junior régional, effectivement. Non. Les équipes avaient des budgets. Le plus gros budget que j'ai vu, moi, c'est le nôtre, là. Dans les années 70-71, parce qu'il avait fallu aller jouer à Rimouski au niveau d'un tournoi provincial. Puis après ça, ça, c'était dans la période des fêtes. Puis après ça, en plus, là, il y a eu les séries. Puis après les séries, vu qu'on avait remporté, ben là, on a commencé à jouer contre Rimouski, puis contre les Barons du Cap-de-Madeleine. Donc, il y avait les frais de transport. Puis j'ai vu le budget annuel là, qu'il y avait. Puis les Castors, je pense qu'ils ont fini avec 600 $ au-dessus là, après toute la saison. Là. La différence, c'est que les joueurs ne payaient pas dans le temps pour jouer. C'est ça la différence, comparativement aujourd'hui, que les joueurs payent. C'est ça? Oui. Ben, okay. Ça l'a changé, c'est parce que c'est difficile d'avoir les commanditaires. Tout le monde va avoir les mêmes commanditaires. Quand tu parles, mettons, de gymnastique, ben, moi, il y a des commanditaires qui vont. Quand tu parles de hockey, il y en a d'autres. Puis tu veux parler de, mettons, de la motoneige, ben là, il y a ces autres compétitions. C'est ça qu'en réalité, tout le monde, les commanditaires viennent qu'il manque l'argent dans le fond de la caisse à quelque part. Voilà. OK. Paul, tu peux, on va faire une pause parce que c'est effectivement le temps des fêtes. Il y a énormément de publicité. Donc, vous êtes à l'écoute de l'André Paul Ménard. On parle du livre de Michel Simard. On parle des années des Castors de Delbeau. Sur les ondes de danradiosport.com. En cette période de réjouissance, tous les employés de la maison Kia de Delbeau-Mistassini vous souhaitent un très joyeux temps des fêtes et vous remercient de la confiance témoignée pendant l'année qui s'achève. Que ce moment d'arrêt soit des plus merveilleux et profitez de l'occasion pour fraterniser avec vos proches. Ce sont les vœux de la maison Kia Mistassini, située au 59 boulevard panoramique à Delbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-1555. Kia, du mouvement vient l'inspiration. Ici Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est un moment unique pour passer du temps avec nos proches. Profitez-en pour vous ressourcer et n'oubliez pas d'encourager nos commerçants locaux pour vos achats. Joyeuses fêtes et bonne année 2022. L'équipe de Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, 118 rue de Quint, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, vous offre un service à la mesure de vos droits. On est de retour à danradiosport.com avec Paul Ménard. Paul, écoute, quand on parle de l'OTJ, parce qu'on en parle beaucoup, là, c'est quoi l'OTJ à Dolbeau-Mistassini? Mon Dieu, là, tu viens de me demander les lettres. Non, mais c'était où, hein? C'était où est-ce que le complexe sportif est aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est l'ancienne partie qui a été démolie, là, 2-3 ans. Là, okay. C'était un gymnase, il y avait Dunsey, là, le mascotte qui était... pour les Jeux du Québec. C'est là. Pas, le, c'est pas l'aréna de poche, donc c'est pas l'aréna de poche. Là. Non. L'aréna de poche, ça, c'est, ça a été construit pour les Jeux du Québec pour 1985. Ça avait été construit pour jouer le volley-ball à l'intérieur, puis après la construction, ils se sont rendus compte que le ballon pourrait aller frapper les bimes de métal là, au plafond, puis ils ont changé d'endroit. Je pense que ça s'est joué à Polyvalent Jean Delbeau. OK. Dis-moi, il y a eu des bons instructeurs aussi à Dolbeau. On a parlé de Gérard Audette. Yvon Mascotte, évidemment, je le connais, on le connaît tous. Mais Gérard Audette, mm-hmm. Il est mort jeune? Ouais, mais moi, à mon avis, il devait être dans la soixantaine. Il y a l'information qui dit qu'il... Mettons, moi, j'ai lu 47 travaillé... ans, moi, dans le livre. Ça se peut-tu? Il y a peut-être un... Moi, j'ai un petit doute. Là. Il va falloir que j'en parle. Je vais en parler avec Michel. Là. Okay. Parce qu'en réalité, Gérard, moi, quand il était instructeur, il a joué dans les années 52. Moi, d'un semaine, je venais au monde. Ça veut dire qu'il devait avoir 20 ans. Si moi, j'avais 19 ans, dans le temps, Gérard, qui m'a coaché, rajoute 20 ans, il était rendu à 39. Mais après, il avait travaillé pour le ministère des Affaires indiennes à Québec. Okay. Puis, j'ai l'impression que c'est. C'est un petit peu plus loin que la cinquantaine. Là. Ce que m'on dit, un chiffre exact, là, il faudrait que je vérifie peut-être auprès de sa fille. OK. Dis-moi maintenant, à Dolbeau-Mistassini, qui a été le meilleur joueur, selon toi? Là, on ne fait pas de jalousie, mais selon toi, qui a passé. C'est sûr que toi, tu étais gardien de but, donc tu étais allé très loin. Probablement que tu aurais joué dans la Ligue nationale si ce serait dans le concept d'aujourd'hui. Mais qui a... talent pour talent, là? Est-ce que c'est M. Junot? Est-ce que c'est Rosa Leclerc? Est-ce que c'est... ou d'autres joueurs? Si on prend par municipalité, comme on dit, Mississini dans le temps, puis j'ai l'impression que c'est Robert Sazouk, un des arbres comme défenseur. Son frère Carole n'était pas loin en arrière. Carole, qui a été longtemps à l'aréna de Mississini, c'est ça? Qui a travaillé longtemps pour la ville de Dolbeau-Mississini. On parle-tu du même Carole Sazouk? C'est la même Carole, puis okay. C'était... Moi, j'étais chanceux. Après, on a fait des tournois seniors, puis j'ai eu les deux défenseurs en avant de moi. Puis je peux dire que c'était plus tranquille quand les deux Sarsville étaient sur la patinoire en même temps, toutes les deux à défense. Pour le gardien de but, c'était beaucoup plus facile. Côté Dolbeau, c'est difficile. Moi, j'ai pas vu jouer Yvon Junot. J'ai joué contre Rosaire, puis Rosaire avait un méchant potentiel aussi. J'ai vu Jean Lemieux aussi, parce qu'on a joué ensemble. Ouais, ça c'est difficile à dire. Ben Jean, c'est lui qui a justement battu le record de points de Rosaire. Qui a, après ça, Jean, c'est le record de 399 points, si je me souviens. Puis le record a résisté à la ligne junior pendant une dizaine d'années. Après ça, il a été devancé là, par un monsieur Marcoux, je pense, d'Alma. Mais c'est dur à dire. Moi, en tout cas, qu'est-ce que j'ai su pour Yvon Junot, c'est un super joueur. Je pourrais mettre Rosaire au même niveau aussi, puis comme René Yves, ben, j'ai pas vu quoi. J'ai vu ses histoires, mais j'ai pas. Mais on va dire Yvon, Rosaire, je pense que c'est les deux là. Malgré qu'il ne faut pas oublier Jean Lemieux non plus. OK. Toi, ben, gardien de but, c'est dur à dire. C'est dur, t'as pas clamé comme meilleur gardien de but, mais on peut pas clamer que t'as été. C'est dur de dire j'ai été le meilleur gardien de but, mais on va dire que t'es allé très très loin. Est-ce vrai que les Castors ont failli changer de nom il y a à peu près 10-15 ans? Ou il y a eu quelque chose ou encore plutôt la question, c'est pas ça la question, c'est que pourquoi les autres équipes ne s'appellent pas les Castors au niveau Midget, au niveau Atom, au niveau comme dans bien des municipalités? Ah, on peut dire peut-être à 90% des municipalités, les équipes qui représentent la ville, normalement, portent toujours le nom. Si c'est les Verdun, ça va être les Maple Leafs de Verdun. Si ça va être exceptionnellement, nous autres, on avait des équipes à Delvaux, on avait des équipes à Mississini. Les équipes, souvent, se sont appelées les Rapides à Mississini, puis après ça, Delvaux, c'était les Castors. Mais là, avec les fusions, avec les autres municipalités, automatiquement, les autres municipalités, eux autres avaient leurs équipes, on va dire, je sais pas, les Éperviennes normandins dans le junior, ben, automatiquement, là, les jeunes voulaient être reconnus comme des Éperviers. Okay. Nous autres, nos jeunes voulaient être des Castors, puis après ça, du côté de Mississini, c'était la même chose, voulaient être des Rapides. Donc là, dans le Piou, il y a eu les Rapides, dans le Bantam, il y a eu les Optimistes Bantam, dans les Castors, c'était le Midget. Puis là, en fusionnant toutes les municipalités autour, ben là, on est arrivé avec des noms. Puis parce que normalement, le hockey existait à Mississini avant Delvaux. Ça, c'est en partant, là. Puis ça s'appelait déjà les Rapides. Mais quand Delvaux, en 1927, sont venus au monde, puis après ça, l'équipe de hockey en 56-57, ben c'était un vote populaire qui a fait que ça s'appelait les Castors, puis que le logo, c'était le logo qu'il y avait sur le Saint-Saëns du temps. Donc, en réalité, là, c'est devenu les Castors. Quand on pourrait faire un débat, puis ça serait difficile de dire le pourquoi, puis le quand. Je pense que c'est le facteur temps qui est en train d'accord. Mais vu que Delvaux et Mississini est ensemble, ben moi, j'aurais un petit penchant pour appeler les équipes, justement, soit du Castor ou Rapide, ou malgré qu'Épervier, c'est un beau nom aussi. OK. Ben Paul, il me reste qu'à te souhaiter de joyeuses fêtes. Écoute, comme tout le monde, fort apprécié, évidemment, cette entrevue-là. Donc, on invite encore une fois les gens à se procurer à la librairie centrale. Faites vite parce que Michel m'a dit qu'il y a 700 impressions. Puis après les 700 impressions, ce ne sera plus possible d'avoir de livres. Donc, je vous le dis, c'est un bijou. C'est un 60$ bien investi. Donc, c'est disponible à la librairie centrale du secteur de Delvaux. Paul, merci beaucoup pour le plaisir de se parler. Bon, je te remercie bien. Puis après ça, au monde de Beaumont-Sessigny, je vous souhaite une bonne période des fêtes et surtout la santé en ce beau temps de pandémie. Oui, effectivement. Paul Ménard, qui est le grand représentant des anciens castors.